soldier. Sangona, Bandis, Sangona, Sangona, Sangona, Sangona, Bandis, Sangona. Hey, I give you my testimony. Imbere yawe narakamatse. Babiri nkawe nabo. Ewe Yesu wanje uramage. Bandis, Sangona, Simbona. I told you, I'm in love with you. Abajama bakera bavuga ngo ndagara gara kuko tutakije na guhara baranyerekera wanyanduje umugera utuma umunyabyaha ahindi kuwera wanyemeje ku rukundo rubaho babiri nkawe ntabo kakanona karirimbo ku rukundo viriza umutima apari ubudundo. I give you my testimony. Imbere yawe narakamatse. Babiri nkawe nabo. Ewe Yesu wanje uramage. Bandi Sangona, Simbona. Bandi Sangona. Nachonganya gaciro no gukundwa n'umwami w'abami. Kuko inzitiro zanje zose azihoza kwa maso. Niyo mpamvu kuvuga izina ryiwe ntazobiheba naho byutari soho. Yarankunze arampfira yanguze igiciro kinini cayiwe maraso. Maze tumukomera amashi ni ku bwacu yakubiswe n'inkoni nyinshi. Ubuntu bwiwe buguma buba bwinshi kuko intama zikiri hanze ni nyinshi. Umwizeye aguha ubuzima apana bamwe batuma gusa umara kabiri. Muri Kristo nahambere haramara ntaho wigana. I give you my testimony. Imbere yawe narakamatse. Babiri nkawe nabo. Ewe Yesu wanje uramage. Bandi Sangona, Simbona.